Chapitre 39e, Compiègne. Le lendemain, Compiègne se réveilla ivre et transporté, ou pour mieux dire, Compiègne ne se coucha point. Dès la veille, l'avant-garde de la maison du roi avait disposé ses logements dans la ville, et tandis que les officiers prenaient connaissance des lieux, les notables, de concert avec l'intendant des menus, préparaient la ville au grand honneur qu'elle allait recevoir. Des arcs de triomphe en verdure, des massifs de roses et de lilas, des inscriptions latines, françaises et allemandes, vers et prose, occupèrent jusqu'au jour l'édilité picarde. Des jeunes filles vêtues de blanc, selon l'usage immémorial, les échevins vêtus de noir, les cordeliers vêtus de gris, le clergé paré de ses habits les plus riches, les soldats et les officiers de la garnison sous leurs uniformes neufs, furent placés à leur poste, tous se tenant prêts à marcher aussitôt qu'on signalerait l'arrivée de la princesse. Le dauphin, parti de la veille, était arrivé incognito vers les 11 heures du soir avec ses deux frères. Il monta de grand matin à cheval, sans autre distinction que s'il eût été un simple particulier, et suivi de M. le comte de Provence et de M. le comte d'Artois, âgés l'un de 15 ans, l'autre de 13, il se mit à galoper dans la direction de Rivecourt, suivant la route par laquelle Mme la Dauphine devait venir. Ce n'était point au jeune prince, il faut le dire, que cette idée galante était venue. C'était à son gouverneur, M. de Lavant-Guyon, qui, mandé la veille par le roi, avait reçu de Louis XV l'injonction d'instruire son auguste élève de tous les devoirs que lui imposaient les 24 heures qui allaient s'écouler. M. de Lavant-Guyon avait donc jugé à propos, pour soutenir en tout point l'honneur de la monarchie, de faire suivre au duc de Berry l'exemple traditionnel des rois de sa race, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV et Louis XV, lesquels avaient voulu analyser par eux-mêmes, sans l'illusion de la parure, leur future épouse, moins préparée sur le grand chemin à soutenir l'examen d'un époux. Emportés sur de rapides coureurs, ils firent 3 ou 4 lieues en une demi-heure. Le dauphin était parti sérieux et ses deux frères riant. À 8h30, ils étaient de retour en ville. Le dauphin sérieux, comme lorsqu'il était parti, M. de Provence, presque maussade, M. le comte d'Artois, seul plus gai qu'il ne l'était le matin. C'est que M. le duc de Berry était inquiet, que le comte de Provence était envieux, que le comte d'Artois était enchanté d'une seule et même chose, c'était de trouver la dauphine si belle. Le caractère grave, jaloux et insoucieux des trois princes était épandu sur la figure de chacun d'eux. 10 heures sonnaient à l'hôtel de ville de Compiègne, quand le guetteur vit arborer sur le clocher du village de Clèves le drapeau blanc qu'on devait déployer lorsque la dauphine serait en vue. Il sonna aussitôt la cloche d'avis, signal auquel répondit un coup de canon tiré de la place du château. Au même instant, comme s'il n'eût attendu que cet avis, le roi entra en carrosse à 8 chevaux à Compiègne avec la double haie de sa maison militaire, suivie par la foule immense des voitures de sa cour. Les gendarmes et les dragons ouvraient au galop cette foule partagée entre le désir de voir le roi et celui d'aller au-devant de la dauphine, car il y avait l'éclat d'un côté et l'intérêt de l'autre. 100 carrosses à 4 chevaux, tenant presque l'espace d'une lieue, roulaient 400 femmes et autant de seigneurs de la plus haute noblesse de France. Ces 100 carrosses étaient escortés de piqueurs, d'éducs, de coureurs et de pages. Les gentilshommes de la maison du roi étaient à cheval et formaient une armée étincelante qui brillait au milieu de la poussière soulevée par les pieds des chevaux comme un flot de velours, d'or, de plumes et de soie. On fit une halte d'un instant à Compiègne, puis on sortit de la ville au pas pour s'avancer jusqu'à la limite convenue, qui était une croix placée sur la route à la hauteur du village de Magny. Toute la jeunesse de France entourait le dauphin, toute la vieille noblesse était près du roi. De son côté, la dauphine, qui n'avait pas changé de carrosse, s'avança d'un pas calculé vers la limite convenue. Les deux troupes se joignirent enfin. Tous les carrosses furent aussitôt vides. Des deux côtés, la foule des courtisans descendit. Deux seuls carrosses étaient encore pleins, l'un, celui du roi, et l'autre, celui de la dauphine. La portière du carrosse de la dauphine s'ouvrit, et la jeune archiduchesse sauta légèrement à terre. La princesse alors s'avança vers la portière du carrosse royal. Louis XV, en apercevant sa bru, fit ouvrir la portière de son carrosse et descendit à son tour avec empressement. Madame la dauphine avait si heureusement calculé sa marche qu'au moment où le roi posait le pied à terre, elle se jetait à ses genoux. Le roi se baissa, releva la jeune princesse et l'embrassa tendrement, tout en la couvrant d'un regard sous lequel, malgré elle, elle se sentit rougir. « Monsieur le Dauphin, » dit le roi, en montrant à Marie-Antoinette le duc de Berry, qui se tenait derrière elle sans qu'elle l'eût encore aperçu, du moins officiellement. La dauphine fit une révérence gracieuse que lui rendit le Dauphin en rougissant à son tour. Puis, après le Dauphin, vinrent ses deux frères, après les deux frères, les trois filles du roi. Madame la Dauphine trouva un mot gracieux pour chacun des deux princes, pour chacune des trois princesses. À mesure que s'avançaient ses présentations, en attendant avec anxiété, Madame du Barry était debout derrière les princesses. Serait-il question d'elle? Serait-elle oubliée? Après la présentation de Madame Sophie, la dernière des filles du roi, il y eut une pause d'un instant pendant laquelle toutes les respirations étaient haletantes. Le roi semblait hésiter. La Dauphine semblait attendre quelque incident nouveau dont d'avance elle eût été prévenue. Le roi jeta les yeux autour de lui et, voyant la comtesse à sa portée, il lui prit la main. Tout le monde s'écarta aussitôt. Le roi se trouva au milieu d'un cercle avec la Dauphine. « Madame la comtesse du Barry, » dit-il, « ma meilleure amie. » La Dauphine pâlit, mais le plus gracieux sourire se dessina sur ses lèvres blêmissantes. « Votre Majesté est bien heureuse, » dit-elle, « d'avoir une amie si charmante. » Et je ne suis pas surprise de l'attachement qu'elle peut inspirer. » Tout le monde se regardait avec un étonnement qui tenait de la stupéfaction. Il était évident que la Dauphine suivait les instructions de la cour d'Autriche et répétait probablement les propres paroles dictées par Marie-Thérèse. Aussi M. de Choiseul crut-il que sa présence était nécessaire. Il s'avança pour être présenté à son tour, mais le roi fit un signe de tête, les tambours battirent, les trompettes sonnèrent, le canon tonna. Le roi prit la main de la jeune princesse pour la conduire à son carrosse. Elle passa, conduite ainsi devant M. de Choiseul. Le vit-elle ou ne le vit-elle point, c'est ce qu'il est impossible de dire. Mais ce qu'il y eut de certain, c'est qu'elle ne fit ni de la main, ni de la tête, aucun signe qui ressemblât à un salut. Au moment où la princesse entra dans le carrosse du roi, les cloches de la ville se firent entendre au-dessus de tout ce bruit solennel. Madame du Barry remonta radieuse dans son carrosse. Il y eut alors une halte d'une dizaine de minutes pendant laquelle le roi remonta dans son carrosse et lui fit reprendre le chemin de Compiègne. Pendant ce temps, toutes les voix, comprimées par le respect ou l'émotion, éclatèrent en un bourdonnement général. Du Barry s'approcha de la portière du carrosse de sa sœur. Celle-ci le reçut le visage souriant. Elle attendait toutes ses félicitations. « Savez-vous, Jeanne ?» lui dit-il, en lui montrant du doigt un cavalier qui causait à l'un des carrosses de la suite de Madame la Dauphine. « Savez-vous quel est ce jeune homme ?»« Non, » dit la comtesse. « Mais vous-même, savez-vous ce que la Dauphine a répondu quand le roi m'a présenté à elle ?»« Il ne s'agit pas de cela. Ce jeune homme est M. Philippe de Tavernet. »« Celui qui vous a donné le coup d'épée ?»« Justement. » »« Et savez-vous quelle est cette admirable créature avec laquelle il cause ?»« Cette jeune fille, si pâle et si majestueuse ?»« Oui. » »« Que le roi regarde en ce moment ?» et dont, selon toute probabilité, il demande le nom à Madame la Dauphine. « Eh bien ?»« Eh bien, c'est sa sœur. »« Ah !» fit Madame du Barry. « Écoutez, Jeanne, je ne sais pourquoi, mais il me semble que vous devez autant vous défier de la sœur que moi du frère. Vous êtes fou. Je suis sage. En tout cas, j'aurai soin du petit garçon. Et moi, j'aurai l'œil sur la petite fille. Chut, dit Jean. Voici notre ami le duc de Richelieu. » En effet, le duc s'approchait en secouant la tête. « Qu'avez-vous donc, mon cher duc ?» demanda la comtesse avec son plus charmant sourire. « On dirait que vous êtes mécontent. »« Comtesse, » dit le duc, « ne vous semble-t-il pas que nous sommes tous bien graves, et je dirais presque bien tristes, pour la circonstance si joyeuse dans laquelle nous nous trouvons ? Autrefois, je me le rappelle, nous allâmes au-devant d'une princesse aimable comme celle-ci, belle comme celle-ci. C'était la mère de Monseigneur le Dauphin. Nous étions tous plus gais. Est-ce parce que nous étions plus jeunes ? Non. » dit une voix derrière le duc, « mon cher maréchal, c'est que la royauté était moins vieille. » Tous ceux qui entendirent ce mot éprouvèrent comme un frissonnement. Le duc se retourna et vit un vieux gentilhomme au maintien élégant qui lui posait, avec un sourire misanthropique, une main sur l'épaule. « Dieu me donne !» s'écria le duc. « C'est le baron de Tavernet, comtesse » ajouta-t-il, « un de mes plus vieux amis, pour lequel je vous demande toute votre bienveillance, le baron de Tavernet Maison Rouge. » « C'est le père, » dirent à la fois Jean et la comtesse, en se baissant tous deux pour saluer. « En voiture, messieurs, en voiture !» cria en ce moment le major de la maison du roi commandant l'escorte. Les deux vieux gentilshommes firent un salut à la comtesse et au vicomte et s'acheminèrent tous deux vers la même voiture, heureux qu'ils étaient de se retrouver après une si longue absence. « Eh bien, dit le vicomte, voulez-vous que je vous dise, ma chère, le père ne me revient pas plus que les enfants. »« Quel malheur, dit la comtesse, que ce petit ours de Gilbert se soit sauvé. Il nous aurait donné des renseignements sur tout cela, lui qui a été élevé dans la maison. » « Bon, dit Jean, nous le retrouverons, maintenant que nous n'avons plus que cela à faire. » La conversation fut interrompue par le mouvement des voitures. Le lendemain, après avoir passé la nuit à Compiègne, les deux cours, couchant d'un siècle, hors de l'autre, s'acheminaient confondus vers Paris, gouffre béant qui devait les dévorer tous.